L'association d'amitié Suède-Corée et le comité national d'études du kimilsonisme kimjongisme de l'Éthiopie ont respectivement publié les 10 et 13 courants une déclaration en faveur de la réussite coréenne à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire qui a manifesté dans le monde entier la puissance nucléaire du thé.